Le français sur le bout de la langue. Le blog qui vous donne envie d'apprendre. Bonjour à tous, chers auditeurs. Bienvenue à vous pour ce troisième numéro des podcasts du français sur le bout de la langue, avec aujourd'hui un article extrait de la célèbre sélection Reader's Digest consacré à un jeune chef de Lisbonne, Henrique Sá Pessoa. La cuisine du Portugal. Chef et propriétaire du restaurant Alma, à Lisbonne, Henrique Sá Pessoa est aussi l'animateur d'une émission culinaire qui remporte un vif succès au Portugal. Sa passion remonte à l'adolescence, où il cuisinait déjà pour ses amis. À 20 ans, il part pour les États-Unis dans le cadre d'un échange universitaire et entend parler de l'Institut Cordon Bleu, la célèbre école de cuisine de Paris. Un an plus tard, il entre au Pennsylvania Institute of Culinary Arts à Pittsburgh, fait ses armes à Londres et à Sydney. De retour au Portugal, il travaille dans plusieurs grands restaurants et hôtels prestigieux. Le 14 février 2009, il ouvre son propre restaurant, Alma, âme en portugais. L'année suivante, il présente Ingrediente Secreto, Ingrédient Secret, une émission de télévision qui met à l'honneur un ingrédient différent chaque semaine. S'il admet être influencé par la cuisine espagnole, notamment catalane et basque, le jeune chef aime expérimenter toutes les traditions culinaires du monde. J'aime la diversité des saveurs et la qualité d'exception, que ce soit dans le choix des produits, sa présentation ou la manière dont il est accommodé. Un plat doit avoir une identité propre, quelque chose qui le rend unique. C'était un podcast réalisé pour le français sur le bout de la langue. N'hésitez pas à vous rendre sur le blog où vous trouverez diverses activités en lien avec ce podcast et une multitude de fiches et d'exercices pour approfondir et pratiquer votre français. Et d'ores et déjà, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux enregistrements.